summer till every day. Du dum summer till every day. Chérie, toute ça nous fait nous fuir qu'un barou. Papa dit mon amour. Un moment difficile. M'a toujours là pour vous. Chérie, moi aimé. Doudou, moi d'amour. Qui t'aime chanter pour vous. Je ferai mes doutes.